un mince chapelet. Je cache mes mains dans un large manchon. Mes yeux ont un regard distrait. Ils ne pleureront plus jamais. Mon visage a l'air plus pâle à cause de la soie mauve. Les cheveux raides de ma frange descendent jusqu'aux sourcils. Et cette démarche lente ne ressemble à aucun envol, comme si mes pieds se posaient sur un radeau et non sur un parquet. Ma bouche pâle est entrouverte, ma respiration pénible, inégale. Et sur ma poitrine tremblent les fleurs d'un rendez-vous manqué.